Et te rencontrer avec une personne du même quartier. Ah, ça c'est plutôt bien. Bien mieux de voir des problèmes. Voilà. Est-ce que tu peux parler? Non, mais en vrai, je sais pas quoi dire. Pourquoi? Être rencontré avec une personne du même quartier. C'est trop bien, tu me surveilles. Bah, déjà, c'est bien puisque vous habitez à côté. Tu peux le surveiller comme un petit Daniel. Et ça c'est l'avantage, comme c'est l'inconvénient, parce que comme on parlait tout à l'heure des réputations, et ben il faut que pour être en couple avec un garçon de ton quartier, il faut que t'aies une belle. Enfin, je sais pas comment. Faut que ça aille bien, mais c'est pas mal. Mais ils vont pas comprendre. Faut que ça aille bien, faut que t'aies un bon passé, en gros. Un passé difficile. Ouais. On a tous un passé difficile, hein. Même les plus grandes stars, ils ont des. Tu m'as dit d'un truc, j'en ai plus. Et puis, sortir avec un gars du quartier, c'est avoir tout le quartier derrière toi, en fait. Genre, en mode, si t'as un problème et que tu sors avec quelqu'un et que genre, tu vois le pote, je sais pas comment expliquer, mais en mode. Tous les vélos, ils vont tirer à ton mec. Et... Ouais, en fait, si tu te voyais avec quelqu'un, tu vas te faire. Ouais, ta meuf, elle a fait ça. Ouais. Et puis, aussi, sortir avec un mec du quartier, c'est aussi avoir la protection de ses potes, genre, même quand il est pas là, bah. Mais il y a aussi c'est aussi être ami avec tous ses potes et tout. Non, il y a pas la protection de ses potes, c'est pas vrai. Moi c'est la protection. Et même j'ai envie de dire quand vous êtes en couple, et ben personne va vous voir avec. Vous êtes en couple, souvent les personnes ils disparaissent, ils se cachent. Et quand vous allez voir, vous allez vous cacher ailleurs parce que personne ne peut pas vous voir. Ouais, en plus aujourd'hui la génération c'est ouais. Parce qu'aujourd'hui c'est pas ça. C'est pertinent parce qu'aujourd'hui les garçons ils cherchent qu'à mettre leur coucou dans le cul ou la chatte à la main, ça prend pas. Voilà, c'est tout. Ils cherchent pas. Ouais, voilà, ils cherchent pas dans le petit salon en fait. Ils cherchent pas à se poser. Ouais. Quand un garçon vient t'écrire un message sur Instagram ou sur Snap, il te dit salut. C'est lui. Tu m'as envoyé une photo de toi entière. Non, moi, c'est même quand c'est des gens qui sont dans la région, hein, et ben genre, il va te voir, il va dire tu m'as excité. Et pourtant, ça met pas une barrière. Parce que moi, je pensais, ben plein de femmes qui portent le foulard, ils pensaient que le foulard, ça allait les couvrir de la réputation, ça allait les couvrir des préjugés, ça allait les couvrir aussi. Mais en fait, c'est pire parce que ça leur tente. En fait, vu que t'es pas accessible, ben, ils ont envie. Je sais pas comment ça se fait. Ouais, je vous promets. Moi, on a DM avec un Salem Abel. Et après, une photo de Kiki, ça va pas ou quoi? Ouais, c'est vrai qu'ils envoient leur Kiki par message. Si c'est repris ton truc, Kiki. Il y a les couples aussi. Les couples, alors le matin, bah, les garçons ils s'en fichent, des filles. Mais quand on est en couple pendant un bon moment, et bah, après quand on est plus ensemble, et bah, y a des filles qui pleurent, qui sont en dépression, donc elles vont à l'hôpital, elles font des ballons. Elles envoient des nudes, des parties intimes de son corps. Des photos? Oui, des photos. Et c'est plus sur Snapchat, sur les réseaux sociaux. Après, bah, le garçon il en profite, donc il screen, il fait une capture d'écran. Et après, il envoie ses copains. Et ses copains, bah, après, ils font tourner ça. Et du coup, bah, la fille, après, elle a une réputation. Elle se fait harceler aussi. Et puis. Elle s'appelle jusqu'au chantage? Bah. Ouais, même au suicide. Bah, il y a des filles, je crois, à cause de ça, elles se suicident. Tu penses qu'aujourd'hui, on abuse plus des autres ou des. Oui. On abuse plus de leur gentillesse, leur naïveté. Et tout ce qui est comme ça. Et donc, cette personne de 18 ans, là, qu'est-ce qui s'est passé alors? J'ai fini par le bloquer. Enfin, quand j'ai su que. Enfin, quand j'ai un peu plus compris qui il était, j'ai fini par le bloquer. Et donc tu dirais lui qu'il voulait jouer quoi? Profiter de la naïveté des jeunes pour faire des choses avec, ou du moins, je sais pas, peut-être un pédophile. Donc c'est plutôt sexuel alors? Oui et non. Il y avait aussi quelqu'un d'autre, mais il était plus grand que... Enfin j'ai appris plus tard qu'il était plus grand que son âge, qu'il avait pas 19 ans, mais qu'il avait plus de 35 ans. Et enfin de base je parlais pas vraiment avec lui parce que c'était bizarre je trouvais. Mais en fait j'ai appris qu'il voulait juste avoir le sein de ma mère. C'était pourquoi? Le snap de ma mère. C'était drôle, mais d'à côté c'était vraiment creepy. Tu vois, Donc il te parlait à toi pour pouvoir avoir des adresses sur ta mère? Oui. Pour que tout le monde regarde mon adresse. Qu'est-ce qui a changé? Bah, par exemple, avant, on sortait avec certains au parc, on jouait avec eux, bah, ils avaient pas d'arrière-pensée parce qu'on était petits. Et maintenant, on peut jouer avec eux, ils vont dire oui, non, elle a voulu ci, elle a voulu ça. Et bah, ils balancent la mère. Enfin, puis, bah, on faisait beaucoup d'activités avec eux. On allait au lac, à la piscine, on jouait au foot avec eux, on faisait du tennis, on faisait vraiment beaucoup d'activités. On faisait des barbecues, des pique-niques, on allait manger dehors ensemble, vraiment plein d'activités. Et bah, à l'heure d'aujourd'hui, ils ont des arrière-pensées en fait. À chaque fois qu'on va vouloir par exemple jouer au foot avec eux, bah, ils vont dire non, vous ne jouez pas avec nous ou quoi. Et alors qu'avant, on pouvait jouer à l'aise avec eux. En fait, les gars dans le quartier, souvent quand il y a une façon, ils filment, ils explosent et tout. Non, ils m'ont aidé en fait. Moi, ils ont tapé dans le travail, genre. Ça, c'est genre personne. Mais ouais, dans un quartier, genre, faut faire attention parce qu'être une fille au quartier, en fait, genre, t'as des fois, en fait, il y a un garçon. Par exemple, moi, j'ai failli faire plein de fois en plus, hein. Ça, j'ai dit à personne. Mais en mode, il y a un gars, il était bourré et tout. Genre, il me touchait et tout. Je me dis, en fait, j'ai mis une poche. Genre après, il forçait. Le garçon et tout, il est venu vers moi, il a fait ex. Genre, il avait semblant de me connaître, juste pour me protéger, en fait. Genre, je sais pas. Les garçons du quartier sont, avec les mamans, ils sont adorables. Ils portent les courses, et ils voient demain que tu t'es agressé en dehors du quartier, ils sont là pour toi. Ça, c'est la vérité. Par contre, ils ont aussi des qualités. Moi, je sais qu'il y a des garçons, ils ont vu une collègue à moi, elle se faisait en sortie. Ils étaient là. Hein. En fait, pour eux, on est leur sœur, mais ils peuvent sortir avec nous, ils peuvent nous marier. Mais on est aussi leur cousine. On est, en fait, on ils sont consanguins, c'est vrai. En fait, on peut, par exemple, si une fille de notre quartier, elle sort avec un autre quartier, et ben, ils vont pas aimer. Et ils seront même capables d'aller le taper parce qu'ils sont Moi je sais qu'il y a quelqu'un de. Je parlais avec quelqu'un d'un autre quartier et il y a un grand mon quartier, il m'a appelé, il m'a dit non, je crois que je vais laisser une Ahlel parler avec un autre dans notre quartier alors qu'elle est juste, elle est juste à côté de chez moi, je sais pas quoi et tout. Il a dit vas-y, donne-moi son adresse, il a pas le droit de toucher avec une fille de notre quartier, ça. C'est la discussion de mon cousin. Vous leur appartenez ou bien? Eh ben, c'est ça, on leur appartient. En fait, c'est en gros, les filles de ce quartier restent avec les filles de ce quartier, les autres, ils restent avec les autres. En fait, on est enfermés, on est une famille, une grande famille. Ça, c'est combien? On est beaucoup, on a l'impression d'une grande famille. Moi, après, je sais que j'irai avec Arsène, ils envoient des photos un peu. Voilà, pour juste pour voir c'est qui a le plus gros kiki, hein. Comme nous, les filles, les garçons. Ouais, même nous, les filles, enfin, moi, j'ai jamais fait. Moi, dans ma classe, ma mère est maillée, c'est vrai que voilà, avec un centimètre. Ma mère, c'est votre rôle, comme nous, les filles, on peut s'envoyer des photos. Les garçons. On a parlé que de ça y est, c'est une question. Est-ce que les garçons ils souffrent de problèmes d'hommes? Des problèmes de garçons. Mais quel problème? C'est quoi ça? Parce qu'ils pensent pas assez ou ils ont rendu la pochette vide. Pas de meuf à l'hôtel, les garçons ils sont pas. Ouais, c'est leur seul problème. De l'argent. Ah si, ils ont peut-être des problèmes. En gros d'avoir la peur que leur soeur devienne. Ah ouais, des fois. En gros, devienne. Avoir une réputation. Ils font des réputations aux autres, mais ils veulent pas que ça fasse des réputations. Et moi, j'ai souvent, le prophète dit comment tu fais, on te fera. J'ai dit, bah écoute, tu es en train de salir, Sophie, et bah tu verras ta soeur. Et souvent, dans 2-3 ans, t'as ta soeur. Et après, de même, il faut du chien. Voilà. Et vous disiez tout à l'heure qu'en fait, presque les garçons qui aimaient bien l'école, ils avaient pas trop le droit de le montrer. Parce que non, ils donnent une image. De quartier, ils donnent une image. Est-ce que ça peut pas les empêcher quand même de vivre leur vie librement, de devoir toujours se donner une image? Oui, ils donnent une image. Après, ceux qui veulent vraiment travailler, après, ils suivent le bon chemin. Mais souvent, les garçons de quartier, ils. Moi, je sais, j'ai des amis dans mon quartier, ils me disent, je veux trop voyager. Mais vas-y, voyage. Ah non, niquez sa mère, je préfère me faire de la tuile, rester au quartier. Je sais pas, en fait, ils s'empêchent, on va dire. Moi, je connais des garçons qui font les rats dans le quartier, alors que devant la police, c'est des petits chats. C'est une triste réalité, ils font trop bien. Moi, je connais des garçons qui sont très sensibles dans le quartier, alors que quand on les voit, quand la police les voit, ils disent, c'est un monstre, c'est le dealer, c'est le chef, alors que hyper sensible, hyper pour des filles. Il est vraiment très sensible. Un homme, c'est faible, un homme, c'est très faible. Et c'est, les garçons de souvent ils ont une carapace, on va dire, qui en a fait blesser, mais c'est des nounours, hein. Ils sont vraiment gentils, je vous promets. Ouais, c'est des cœurs, c'est des quand on les prend un par un, hors de leurs potes, hors de l'entourage, c'est des amours. Ah oui, j'avais une question. Est-ce que toutes là, vous avez envie de vous marier, de vivre bien sûr ou pas? Bien sûr. Ah bah nous, on est obligés, hein. Attends, on va faire un tour. Je vais juste me tu y penses ou tu y penses pas? Comment tu imagines? Tu y penses et tu dis plutôt oui, plutôt non, t'es pas sûre? Bah ouais. Plutôt oui? Ouais. Oh, moi, je sais pas, moi, pour l'instant, je suis pas concentrée sur l'amour. Mais un jour, une chambre. J'y penserai, je vous attends. Ouais, peut-être que, ouais, ça va. Moi, ouais, j'ai envie de me marier. Ouais. J'ai, non. En fait, je sais pas comment dire. J'ai envie de me marier jeune, mais pas pour être soumise à l'homme. En mode, ouais, je t'ai marié avec moi, bah, je peux pas te marier. Non. Si un jour, je parlais avec quelqu'un, et moi, j'ai dit, ouais, bah, si on se marie, bah, jeune, en gros, à 18-19 ans, et bah. Tu dois arrêter de travailler, je sais pas quoi, tout ça. Je dis, mais j'ai pas fait des études pour que j'arrête de travailler pour toi. Et... Mmh. Il a pas apprécié, hein. Il a pas apprécié. Alors pourquoi tu veux te marier jeune? Je sais pas, j'ai envie. Mais ça nous parle. Hein? Mais en fait, non, c'est même pas à cause de ma mère. Au contraire, en fait, non, même pas. Je sais pas, genre, j'ai envie de me marier. Genre, quand je vois des gens mariés et tout heureux, genre, ça me donne envie. Mais pas toutes les relations qui sont heureuses, enfin il y a derrière. Ouais. Ils peuvent te montrer qu'ils sont heureuses dans la vie. Moi, ma mère, sur les réseaux, mais derrière, c'est la papa. La vie commune, c'est un an, la galère, c'est 30 ans. Sur toi, putain. Et toi, est-ce que t'as envie de te marier, Inès? Oui. Oui. Moi, oui et non. Oui, parce que mais ma mère, à chaque fois, elle me dit oui, le jour où t'es mariée, tu fais ce que tu veux. Le jour où t'es mariée, tu fais ce que tu veux. Ah, c'est ça, après et ça. Genre ouais, je vous promets que ça, c'est la seule envie que j'ai envie de marier. Faire ce que je veux. Après, deuxième partie, non, j'ai pas besoin de l'homme, en fait, j'ai tout. J'ai vraiment tout. Et toi? Ouais, je me marie, Inch'Allah. Bah, pas trop jeune, mais pas trop tard. Hein. Mais je veux faire ma vie professionnelle après ma vie personnelle. Okay. Ça c'est bon. Bah oui, après nous, on a une maman qui nous pousse à aller dans les études. Elle nous marie pas tant qu'on n'a pas fini nos études. Hein. Moi, Maxime, si je suis pas mariée à 20 ans, je me marie au bled. Moi, à 25, si je suis pas mariée, je me marie au bled. Ah, mais moi, c'est pas tant, mais j'ai... Moi, je suis 25 ans, après pour les enfants, là, je m'achète. En fait, moi, j'ai envie de me marier. J'aime bien la Costelle, moi, après. J'aime bien la Costelle.